après George Duke, Reach Out sur France Bleu. Reach Out sur France Bleu, 17h50. Côté culture. Nature sur France Bleu Limousin et France Bleu Creuse. 30 ans qu'il existe, qu'il nous fait voyager avec des poissons de tout lieu, c'est l'aquarium de Limoges et vous l'avez entendu, il fête ses 30 ans cette année. David Brantôme, directeur de l'aquarium, est avec nous. Bonsoir David. Bonsoir. Que s'est-il passé en 30 ans? Quelles ont été les grandes évolutions de ces 30 dernières années à l'aquarium de Limoges? Alors déjà, le 6 juin 1993, l'aquarium ouvre au public pour la première fois, donc c'était déjà une très très belle chose, une belle réussite de faire ça à Limoges, parce qu'aquarium, on pense souvent bord de mer, on pense pas toujours centre de la France, en centre-ville en plus. Et puis après, beaucoup d'évolutions. Une des majeures, c'était en 2009, où l'aquarium a agrandi l'aquarium pour en faire ce qu'il est devenu maintenant, avec plus de 1000 m² visitables. Et après, en 2013, on a refondu complètement toute la scénographie de l'aquarium pour en faire ce sous-marin, avec des visuels extraordinaires. Les gens, quand ils rentrent, ils me disent qu'on n'a plus l'impression d'être en plein milieu de la ville, mais carrément au fond des mers. Donc c'est ça qui est chouette. Et puis beaucoup, beaucoup de naissances, beaucoup d'animaux qui sont arrivés de différents endroits, etc. Justement, récemment, il y a eu une nouvelle naissance. C'est un événement, en quelque sorte. Alors oui, il y a plusieurs naissances qui ont eu lieu cet été. Donc déjà, on a eu les hippocampes qui sont nés là dernièrement. Donc on a fait le choix pour les 30 ans, justement, cette année. C'est toute une nurserie. On les met côté visiteurs. Les gens vont pouvoir voir les bébés, parce que souvent ils sont cachés dans les nurseries, dans les coulisses. Là, ils peuvent les voir pendant la visite. Donc là, les bébés hippocampes, on les voit. Mais il y a aussi nos caïmans qui, le 30 juillet dernier, Mana, notre femelle, a pondu 15 œufs. Donc on lui a laissé 3 œufs dans son nid pour qu'elle garde son instinct maternel, ce qui est important pour son bien-être. Et les 12 autres œufs ont été mis en incubateur à 80% d'humidité et 30 degrés pendant 90 jours. Et cet incubateur est également visible du public. Donc ça, c'est important pour nous, pour que les gens soient sensibles justement à tout le travail que l'on fait derrière pour la conservation des espèces. Justement, vous dites que c'est un aquarium en plein centre de la France, en centre-ville. Comment on arrive à faire ça, à l'implanter? Déjà, ça, c'est ma première question. Et puis après, comment on arrive à garder des animaux, des poissons qui ne sont pas dans leur milieu naturel, justement, ici? Alors, l'aquarium de Limoges a été créé par le docteur Vaste, qui a eu l'idée de créer un aquarium à Limoges pour différentes raisons, mais aussi parce que cet aquarium, avant tout, est un refuge animalier. On accueille une tortue et 5 poissons par semaine qui sont abandonnés par des personnes de la France entière. C'est le plus grand refuge aquatique de France. Et pour financer ce refuge, l'idée, c'est d'en faire un site touristique. Et ce prix d'entrée permet d'autofinancer le refuge. On ne vide aucune subvention, il n'y a pas 1 euro donné par la collectivité publique à l'aquarium. Tout est entièrement privé, payé que par les entrées. Donc ça, c'est quand même important aussi de le dire aux visiteurs. Et le faire en centre-ville, c'était aussi super sympa parce que c'est l'idée de faire marcher aussi le commerce du centre-ville. Montrer aux gens que quand on vient visiter l'aquarium, on peut aussi aller se restaurer, on peut aller acheter des choses chez nos commerçants aux alentours. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis aussi un système pour les visiteurs, un tampon qu'on peut leur mettre gratuitement sur leur poignet pour sortir quand ils le veulent et rentrer dans la journée gratuitement à l'aquarium. Comme ça, ils peuvent aller justement se restaurer, aller boire un verre et revenir après pour continuer leur visite. Et la santé des animaux, comment vous gardez cette santé ici à Limoges? Alors, en réalité, on reconstitue carrément l'environnement de l'animal, donc déjà avec des décors qui correspondent à ce qu'ils ont dans la nature, mais surtout, on est un peu des chimistes, on transforme la qualité d'eau de la ville de Limoges dans la qualité d'eau des poissons qu'ils ont besoin de vivre. Les poissons amazoniens, on va rajouter des estrées de tourbe, on va monter la température, baisser le pH. Les poissons d'Afrique, par exemple, on va plutôt augmenter le pH, d'augmenter la dureté de l'eau en mettant des sels minéraux. Puis l'eau de mer, bien sûr, on va la reconstituer, parce qu'à Limoges, on ne va pas aller la chercher au bord de la mer, ce ne serait pas écologique. Donc on reconstitue nous-mêmes notre mer artificielle à Limoges. Et en plus, ces eaux usées, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais au lieu de les jeter, on en fait don à la ville de Limoges pour arroser les espaces verts de la ville. Donc quand vous voyez les jolis légumes, les fleurs, etc. de Limoges qui sont autour, ils sont arrosés grâce aux eaux de l'aquarium que nous offrons à la ville. Donc je pense que voilà, c'est la démarche, elle est vraiment aussi là-dessus écologique. Donc des poissons qui se portent bien, on parle d'hippocampes, de caïmans, c'est quel type de poissons sinon qu'on peut observer, sachant que c'est pas que des poissons? Et voilà, c'est ça, c'est que l'aquarium de Limoges, sa grande spécialité, on a l'impression, oh, comme à Limoges, bon, Limoges, voilà, c'est ce qu'on se dit, on est loin de la mer. Mais non, justement, à Limoges, on a des poissons qu'on ne verra nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que refuge animalier, donc animaux des fois qu'on ne voit nulle part ailleurs, on est habilité par les douanes. Lorsqu'il y a une saisie d'animaux, on nous l'amène chez nous pour éviter que ce soit euthanasié. Donc des animaux uniques qu'on a chez nous à Limoges, vous allez voir des poissons de nos régions. Des poissons aux douces tropicales, Afrique, Asie, Amérique, Australie. mais aussi des poissons d'eau de mer tropicale, derrière tous les récifs coralliens, les méduses, les hippocampes, les murènes, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, les poissons clowns, le fameux Nemo, mais aussi tout ce qui est reptiles aquatiques. On a la plus grande variété de tortues aquatiques de France dans les aquariums. On a plus de 8 espèces de tortues aquatiques, plus les caïmans. Faut pas oublier les amphibiens, avec les grenouilles, avec les axolotes. Vous voyez, c'est vraiment très, très varié. Ouais. Et tout ça dans un univers naturel avec une multitude de coraux, de méduses. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Vous parliez de refuge animalier parce que c'était ça avant d'être un aquarium. C'est quoi l'histoire de ce refuge animalier? Comment il s'est créé à Limoges avant de devenir Disons qu'au départ, il y avait un club d'aquariophilie qui existe toujours, hein, qui va fêter ses 50 ans cette année, donc c'est aussi important pour eux. On va faire cette fête au mois d'octobre, tous ensemble, justement. Et ce club, régulièrement, on leur amenait des poissons de particuliers. Je ne peux plus m'en occuper, est-ce que vous voulez prendre? Donc, prenez pour dépanner. Au bout d'un moment, il commence à avoir de plus en plus. On s'est dit, il faudrait peut-être qu'ils soient autonomes financièrement. Est-ce que c'est quand même 950 € par jour que ça coûte? Pour 950 € par jour, faut faire de la billetterie derrière. Bien sûr. Et c'est 7 jours sur 7. C'est pas parce que c'est 15 août que ça sera fermé. Ça sera ouvert le 15 août. Et les poissons mangeront. Les jours de Noël, ils mangent aussi, quoi. Voilà. Donc, tout ça, il faut penser à l'année. Et l'idée, c'est de faire un refuge qui soit autonome financièrement et qui ne demande rien à personne, si ce n'est aux visiteurs. Venez nous rendre visite, faites-vous plaisir, prenez un bon moment avec nous et en plus, vous allez faire un geste pour ces animaux. Donc 30 ans maintenant que l'aquarium existe, est-ce que vous avez prévu justement des animations pour fêter ça? Vous parliez d'une fête au mois d'octobre, parlez-nous-en. Alors, il y a plein d'animations. Bon, déjà là, pendant tout l'été, on a prévu que les visiteurs puissent à chaque fois donner à manger aux poissons quand ils vont visiter. On pourra assister systématiquement à des repas de poissons, quelle que soit l'heure à laquelle ils arrivent. Il y aura un soigneur qui va venir à leur rencontre, répondre à leurs questions et leur proposer de donner à manger aux animaux. Ça, c'est important pour nous, pour sensibiliser au maximum tout le public. Mais par exemple, là, en septembre, il va y avoir une enquête de police dans l'aquarium. On parlait tout à l'heure de meurtre dont on parlait. Exactement. Il y a un poisson, enfin un animal, parce que c'est peut-être pas poisson, il faudra voir. Il y a un animal qui a volé le gâteau d'anniversaire de l'aquarium. Il faut le retrouver. Il faut le retrouver. Donc c'est une sorte d'escape game qu'on a créé dans l'aquarium pour les enfants qui savent pas lire, qui savent lire, et aussi pour les adultes. Il y a 3 niveaux différents dans ce jeu-là, et on peut s'amuser à le faire quand même, et gagner bien sûr des cadeaux derrière. Pour Halloween, on va faire un jeu spécial Halloween, qui fera un petit peu peur, hein, qui sera un peu remontant, mais voilà. Et puis pour le week-end du 13, 14, 15 octobre, c'est les 30 ans de l'aquarium, c'est les 50 ans du club d'aquariophilie de Limoges, mais c'est aussi les 20 ans de la Fédération Française d'Aquariophilie. Donc il va y avoir un congrès à Limoges, où ces 3 institutions vont être là, et vont faire à la BFM, hein, parce qu'on a louer la BFM, l'auditorium de BFM. On va faire des conférences sur notre thématique le samedi où ça sera ouvert à tout le monde pour pouvoir participer avec nous à cette fête. Que d'événements donc cette année pour ces 30 ans. Quand est-ce qu'on peut le visiter l'aquarium là en ce moment, au mois d'août? Alors 7 jours sur 7, dimanche, jour férié compris. On est ouvert à partir de 10h le matin jusqu'à 18h non-stop. On ne ferme pas entre midi et 2. Donc voilà. Donc vous pouvez venir quand vous voulez, ça sera avec plaisir. Eh bien merci David Brantôme, directeur de l'aquarium de Limoges, à visiter encore pendant de nombreuses années. Je reviens en 30 ans. Souhaite. Merci David Brantôme. C'est bientôt la suite de ce 16-19 avec le journal de 18h, Salomé Pineda dans quelques minutes. Dans l'atelier de nos talents, France Bleu met à l'honneur l'excellence française des artisans d'art. Bonjour, Loïc Ballet. Ce jeudi, coup de projecteur sur l'atelier de nos talents. Si vous aussi vous êtes à des années-lumière de savoir qui entretient, qui crée et répare les lustres que l'on voit dans les châteaux, les musées, comme dans les rues, nos invités vous éclaireront sur ce savoir-faire. Alors, que la lumière soit. L'atelier de nos talents sur France Bleu, demain, dès 13h. France Bleu. Dans le monde, des enfants meurent de faim. Hélène a été sauvée grâce aux équipes d'Action contre la faim dans une région où sa maman n'a pas accès à l'eau potable et où il n'y a rien à manger. Pour les aider, mon papy a décidé de leur donner une partie de son héritage. Je suis fière de mon papy. Est-ce que vous le saviez? Action contre la faim peut devenir votre héritier. Pour un monde sans faim, pensez à la transmission en faveur de notre association. Vos volontés seront respectées. Demandez la brochure sur les legs et assurances vie sur actioncontrelafaim.org. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu. Mercredi 9 août, il est 18h, vous écoutez France Bleu. Bientôt le journal de Salomé Pineda. D'abord un petit point sur la météo, des températures qui sont agréables ce soir. Encore 29 degrés attendus à 20h. On fait un point complet après le journal de Salomé. Salomé, un Limousin vice-champion du monde de paracyclisme sur route. Mathieu Bosredon a décroché la médaille d'argent dans le contre-la-montre cet après-midi à Glasgow, en Écosse. Il a été devancé de 8 secondes par le néerlandais Jets Platt. C'est le meilleur résultat de sa carrière sur un contre-la-montre. Et à 32 ans, le Corésien, qui appartient à la team Cofidis, était un peu déçu, mais content quand même de sa performance. Pour moi, c'est un chrono vraiment délicat parce que je fais partie des gros gabarits sur cette course. Je suis lourd. Il y a une bosse qui est à des pourcentages vraiment importants et je savais que sur les plus légers, j'allais perdre beaucoup de temps. Donc j'ai pris le parti de partir assez vite. Donc au premier intermédiaire, je suis devant. Et voilà, j'avais besoin d'avance pour pouvoir accepter le retard que j'allais prendre dans la bosse et finir assez fort, bien enroulé. Ouais, ce que j'ai fait, c'est passé. J'aurais voulu gagner. Je pense que je fais un beau retour, mais voilà, il me manque une poignée de secondes, entre 8 et 10, je crois. Sur une épreuve de 24-25 minutes, c'est à la fois pas beaucoup et énorme. Voilà, je suis quand même content. J'ai eu une préparation pas facile là au mois de juillet, j'ai eu des pépins de santé, donc je suis content d'être là. Ouais. Petite journée de récupération demain, avant la course en ligne de vendredi. Départ à 15h15. Un accident de poids lourd a guéri ce matin. Le chauffeur d'une cinquantaine d'années a été hospitalisé en urgence relative. L'accident s'est produit au niveau du pont Charot, sur la départementale 913, vers Crozan, au nord du département. Elisabeth Borne sur place en Alsace après le drame dans un gîte de vacances. La première ministre a exprimé toute sa tristesse et sa solidarité. Le bilan s'élève désormais à 11 victimes, ce qui fait de cet incendie le plus meurtrier des 7 dernières années en France. Le feu s'est déclaré ce matin près de Colmar, à Winsenheim. Le bâtiment accueillait pour les vacances deux groupes d'adultes en situation de handicap. Deux d'entre eux sont encore portés disparus. Les informations sont à retrouver en direct sur francebleulimousin.fr. Des réserves de sang critiques en Nouvelle-Aquitaine. Il manque en ce moment près de 1500 poches dans la région. L'établissement français du don du sang relance une campagne pour cet été. En Limousin, il faut donc 800 donneurs chaque semaine pour assurer les stocks. Ce soir, une collecte est organisée à Imoutier jusqu'à 19h. 7 personnes contaminées par le virus du Nil occidental en Nouvelle-Aquitaine. C'est la première fois que le virus touche des personnes dans la région et il se trouve chez nos voisins en Gironde. Cette maladie virale est propagée par les moustiques. Elle peut provoquer des symptômes grippaux, mais dans 80% des cas, elle reste inoffensive. En Limousin, pour l'instant, pas de cas signalés, mais 2 personnes ont été touchées par la dengue depuis le printemps dernier. Les Creusois privés de plusieurs de leurs activités phares de l'été. Pas de canoë, pas d'escalade au viaduc de Glénic et pas non plus de tyrolienne à Jouya. L'agglomération du Grand Guéret n'a pas trouvé de personnel pour la faire fonctionner. Résultat, Marie-Jeanne Delepaule, pour les usagers de la plage, c'est une déception. Maillot de bain, lunettes de soleil, Corinne est en train de lézarder sur la plage de Jouya. Au-dessus de sa tête, le câble de la tyrolienne est aussi inanimé qu'une ligne électrique. Je trouve ça dommage, parce que c'est une attraction qui est super bien. Et ça peut que attirer du monde, des familles, des touristes. Il y a le camping pas très loin, je comprends pas. Je comprends pas qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Avec ses 450 mètres de descente, cette tyrolienne est la plus longue de Creuse. L'an dernier, elle s'était lancée 700 fois. Annie de la Brionne regrette de ne pas pouvoir la faire découvrir à ses petits-enfants cet été. Il n'y a pas tellement d'attractions en Creuse ou bien reconnaître. Et ça, c'est pas mal. Traverser la Creuse quoi, en faisant un aller-retour, c'est génial. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Dommage, mais la tyrolienne a plusieurs problèmes, dont un repéré par ce pêcheur qui habite tout près. De l'autre côté où il y a la tyrolienne, il y a un arbre mort. Peut-être pour la sécurité, vaut mieux peut-être l'enlever. Un arbre en mauvaise santé, c'est vrai, il va sans doute falloir changer l'attache de la tyrolienne. Pour la faire fonctionner, il faut aussi du personnel qualifié. L'agglo du Grand Guéret dit ne pas en avoir trouvé en temps et en heure. Et quand Huskin Creuse s'est proposé, d'après les élus, il était trop tard pour leur confier la gestion en raison d'obligations juridiques et réglementaires. Eux ont peut-être réussi à faire des activités estivales. 15 adolescents de Saint-Fiel, près de Guéret, viennent de rentrer d'une semaine de vacances en Écosse. Un voyage qu'ils avaient préparé de A à Z depuis septembre dernier. Ils ont pu le financer eux-mêmes grâce aux travaux de jardinage qu'ils avaient effectués sur la commune. En rugby, le mercato au CA Brive est désormais bouclé. Le club qui s'était donné une dernière chance, une dernière opportunité sur le marché, il a engagé l'international fidjien Taniela Sadrougou à 25 ans. Le jeune homme s'est fait un nom dans la Ligue océanique de rugby à 13, où il jouait l'an dernier. Le club précise néanmoins qu'il ne débarquera pas en Corrèze d'ici quelques semaines. Le dernier match de préparation, c'est demain à 20h face au Racing 92 à Biars-sur-Cère. Et vendredi prochain, ce sera le premier match de championnat de Pro D2. Ça se passe contre Agen, au stade d'Armandie, à 18h. Le Tour du Limousin révèle la liste provisoire de ses coureurs engagés. En tête d'affiche, les vainqueurs 2019 et 2017, Benoît Cosnefroy et Alexis Vuillermoz. 18 équipes sont engagées pour le Tour, qui s'élance mardi prochain à Riac-Rancon. Le tenant du titre, Alex Aremburu, ne sera pas là en revanche, tout comme Thibaut Pinot. La liste complète à retrouver sur francebleu.fr. La météo, est-ce qu'il y a du soleil, Anthony ? Il est présent, de magnifiques rayons de soleil ce soir, Salomé. Ça chauffe nos trois départements entre 24 et 26 degrés pour la Creuse, 26 à Bourganeuf, Guéret et Boussac, jusqu'à 29 degrés pour la Corrèze, encore à 20h, à Brive, Tulle, Juillac, Uzerche ou encore Beaulieu-sur-Dordogne. La Haute-Vienne, elle, a le plus chaud de la région avec 30 degrés en son centre à Limoges. Demain, ces températures continuent de monter. Le thermomètre affiche 32 degrés à Limoges, Brive et Guéret, ce qui devrait être le pic de chaleur de cette semaine. Merci Salomé. La météo 100% locale avec Art Côté Jardin, votre paysagiste à Limoges. Conception, aménagement et entretien de vos extérieurs, terrasses, allées et clôtures. art-côté-jardin.fr. On nous signale un camping-car en panne sur la Nationale 45 près d'Agen. Soyez prudents si vous vous trouvez à proximité. Vous pouvez nous informer de toute difficulté au 05 55 34 5000. Le 16-19 été, le 16-19 été, France Bleu Creuse et France Bleu Limousin. Anthony Terrade. 18h07, France Bleu en Limousin, donc en Creuse, en Corrèze ou en Haute-Vienne. C'est l'heure où tout est possible. De la musique, des bonnes astuces et des idées sorties dans vos agendas. Les bonnes astuces de Valérie Delos nous parlent de puces, sans oublier les rues du Limousin à découvrir ou redécouvrir sur votre radio France Bleu. En musique, tout de suite, c'est George Michael, I Want Your Sex. Just say George Michael, I Want Your Sex sur France Bleu. Le patrimoine limousin est à l'honneur chaque jour sur votre radio en rendant hommage à nos rues. Alexandre Pin se retrouve ce soir en plein cœur d'Aix-sur-Vienne avec notre guide du jour, le président du comité historique du Val de Vienne. Oui, aujourd'hui, focus sur un bâtiment historique de la ville d'Aix-sur-Vienne. On va parler de l'église d'Aix-sur-Vienne. On a remonté la rue Sadi Carnot et on se trouve sur cette place de l'église qui a subi pas mal de modifications au cours du temps, Jean-François. Oui, parce que tel qu'on la voit d'extérieur, les façades ont été totalement remaniées à la fin du 19e siècle. Donc, avec un clocher qui, lui, est du XVIIIe siècle, mais l'origine de l'église, donc c'est une église qui daterait des XIIe, XIIIe siècles, remaniée au XVe. Donc, on voit surtout son ancienneté à l'intérieur et pas à l'extérieur. Alors, cette église, elle s'appelle l'église Sainte-Croix. Il y a une légende par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette légende, Jean-François ? Alors, c'est vraiment une légende. Ce serait pourquoi cette église à cet endroit-là ? Ça serait un pèlerin qui revenait de Jérusalem avec un morceau de ce qu'on appelle la vraie croix, c'est-à-dire la croix sur laquelle Jésus a été crucifié, qui se serait reposé à cet endroit-là, qui n'était pas du tout urbanisé à l'époque, puisqu'on était sur une paroisse qui s'appelait la paroisse de Tarn, où il n'y avait pas du tout de ville. Et il se serait arrêté à cet endroit-là pour se reposer. Et quand il a voulu repartir, il n'a jamais pu soulever ses affaires, enfin son sac. Donc on a été chercher le curé de la paroisse, qui est venu et qui, lui, n'a eu aucune peine à soulever les affaires où se trouvait cette précieuse relique. Et on a décidé qu'à cet endroit-là, on construirait une église dédiée à la Sainte Croix. Alors, je le disais en préambule, on a remonté la rue Sadi Carnot, on a la rue Gambetta également. Là aussi, ces rues ont subi des modifications, mais c'était des artères principales de la ville d'Aix-sur-Vienne. Oui, donc la vieille ville d'Aix-sur-Vienne était conçue justement autour de cette église, sous une forme triangulaire avec trois rues principales. Donc, celle qui longe l'église, qui s'appelait la rue Marchedieu, parce qu'au bout de cette rue, à côté de l'église, se trouvait une petite halle où se situait le marché d'Aix. Deux autres rues donc, qui faisaient le tour de ce qui est aujourd'hui la place Aymar Fayard, la place de l'église, qui n'existait pas jusqu'au début du XXe siècle. La rue donc, se prolongeait par ce qui est ensuite devenu la rue Gambetta, qui elle aussi était une rue très commerçante. Toutes les rues autour de l'église en fait étaient celles où se trouvaient tous les commerces d'Aix qui par la suite se sont un petit peu déplacés du côté de ce qui est aujourd'hui l'avenue du président Wilson, qui est la route nationale. Les rues du Limousin de retour dès demain sur France Bleu avec la rue de l'Ascension à Guéret, 18h15 sur France Bleu. Et sortilège de la pleine lune. Du 18 juillet au 15 août, la nuit ne ressemble à aucune autre. Pour cette 29e édition, tous les mardis, vous participez à des balades insolites, à des animations uniques et vous vous laissez conter des histoires au milieu des loups de Chabrières. Frissons garantis au parc animalier des Monts de Guéret, un événement France Bleu Creuse. Plus d'infos sur guéret-tourisme.fr. Je suis transporteur, jour et nuit sur les routes, et donc jamais à l'abri de tomber en panne sur l'autoroute. C'est une situation particulièrement dangereuse. Alors quand je vois un véhicule arrêté, je ralentis, je mets mon clignotant, je m'assure qu'il n'y a aucune voiture pour me décaler le plus possible, et je préserve un corridor de sécurité. Véhicule à l'arrêt, je change de voie et sauve des vies. La direction interdépartementale des routes Centre-Ouest vous remercie de respecter les règles de sécurité et vous souhaite bonne route. Le 16-19 été, le 16-19 été, France Bleu Creuse et France Bleu Limousin. On continue en musique avec Kyo et Cœur de Pirate, dernière danse sur France Bleu. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière. Je l'ai connu. trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau. C'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste ça ne change rien, j'ai resté décimal. Le bonheur ancré dans mon âme, c'est même trop pour un seul homme. Je l'ai vu partir sans rien dire, il fallait seulement qu'elle respire. Merci d'avoir enchanté ma vie. Avant Cœur de pirate. Dernière danse sur France Bleu. Tout de suite, votre agenda. Le 16-19 été, le 16-19 été, France Bleu Creuse et France Bleu Limousin. Anthony Terrade. À Collonges-la-Rouge, ce soir, visitez le village au Flombeau, direction le château de Vassignac. Vous rencontrerez Monsieur de Vassignac revenant d'un long voyage dans le temps et vous fera découvrir le village à son époque. Il ouvre exceptionnellement les portes de son château et le fait découvrir dans une ambiance particulière à la lumière des bougies. Cette visite familiale est inédite et pour petits et grands, c'est ce soir dès 21h. Visitez l'exploitation des spirulines, de spiruline des gabariers. Découvrez ses origines, ses vertus, ses bienfaits, son utilisation et déguster là une plante qu'on trouve de plus en plus dans différentes préparations, dans du chocolat par exemple, du chocolat à la spiruline. Demain de 14h à 19h, c'est à Beaulieu-sur-Dordogne et sur rendez-vous. Demain à Alassac, le festival de la Vézère vous attend pour le concert de Jean-Paul Poletti et son chœur d'hommes de Sartène, une soirée corse en Corrèze. Début des festivités à 17h30 sur la place Allègre. Direction la Creuse avec la suite du festival Musique à la Source. Marie Aupert présente un récital autour de Shakespeare. Elle sera également accompagnée par Benoît Urbain à l'accordéon. C'est au sein de l'église de Glénic demain soir. Programmation en détail sur le site internet festival-creuse.com. Autre festival creusois, le festival Précaire. Ce soir, un voyage en anarchie par le théâtre Combraille. Un spectacle, un concert et une conférence, le tout en même temps. Un double personnage pour vous présenter l'anarchie ce soir au théâtre de Verdure à Bourg-en-Neuf dès 19h. Retour en musique avec Vita, les choses qu'on fait, c'est sur France Bleu. Qui veut ça? On sera jamais d'accord. Comment ça finira? Bleu Creuse, France Bleu Limousin, le 16-19, le 16-19 été. Minds, Alive and Kicking sur France Bleu. C'est sur France Bleu. France Bleu. Je suis transporteur, jour et nuit sur les routes, et donc jamais à l'abri de tomber en panne sur l'autoroute. C'est une situation particulièrement dangereuse. Alors quand je vois un véhicule arrêté, je ralentis, je mets mon clignotant, je m'assure qu'il n'y a aucune voiture pour me décaler le plus possible et je préserve un corridor de sécurité. Véhicule à l'arrêt, je change de voie et sauve des vies. La direction interdépartementale des routes Centre-Ouest vous remercie de respecter les règles de sécurité et vous souhaite bonne route. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Le 16-19 été. Le 16-19 été. France Bleu Creuse et France Bleu Limousin. Anthony Terrade. 18h30, dernière demi-heure de ce 16-19 en Limousin. Valérie Delos nous attend pour ses bonnes astuces sur les puces. On vous en dit plus dans moins de 5 minutes. D'autres idées sortistes avant 19h dans votre agenda. Vous écoutez France Bleu partout en Creuse, Corrèze et Haute-Vienne. Fool's Garden, Les Mains Dessus sur France Bleu. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. A heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Fool's Garden, Les Mains Dessus, France Bleu. Elle pique, elle nous dérange. C'est bien des puces dont je vous parle. Dans les bonnes astuces de France Bleu, Valérie Delos, c'est votre sujet ce soir. Bonjour, oui, exactement. Mais pas de toutes les puces. Il va être question ici des puces de parquet. Également appelées puces de plancher, les puces de parquet sont tout simplement les puces ramenées à la maison par nos chats et nos chiens. Si elles paraissent à première vue inoffensives, une infestation de puces peut rapidement devenir invivable. Vous pouvez y être confronté notamment à votre retour de vacances l'été. Rien de plus désagréable quand on pose nos valises après de superbes vacances que de se faire piquer les jambes par des puces. Et là, c'est souvent la panique. Il faut dire qu'elles elles sont envahissantes. Et comme je le disais juste avant, il peut être très difficile de s'en débarrasser si l'on n'a pas le bon remède. Elles se reproduisent dans des espaces chauds, idéalement l'été ou lorsque l'on allume son chauffage. Et elles ne peuvent vivre qu'en présence d'autres vivants. Vous, votre famille, vos animaux. Alors le hic, c'est que cet insecte se reproduit très très rapidement et que l'on peut vite vite être envahi. Voici donc une astuce pour les éliminer de façon radicale. Passez le parquet à l'essence de térébenthine pure. Vous pouvez également la diluer avec un peu de cire si vous préférez. Il est très important de bien aérer. Avant l'opération, pendant l'opération et après l'opération. Si possible, laissez aérer une journée entière. Pensez à bien en appliquer partout, y compris dans les rainures du bois, c'est très important. Il est recommandé de passer une machine nettoyante à vapeur à la suite de ce traitement si vous en avez une, mais il est aussi possible de la louer. L'eau chaude, de plus de 60 degrés, permet de finir efficacement l'élimination de ces puces de plancher. Cette astuce a pour mérite de pénétrer directement dans le parquet pour tuer les puces de plancher et leurs œufs, qui sont quasiment immédiatement desséchés. Pensez également à traiter vos animaux dans le même temps. À l'origine, cette astuce permettait surtout de tuer les termites qui logent à l'intérieur du bois. Donc l'idéal est de le faire tous les ans, au printemps, de façon préventive. Grâce à notre astuce, les puces de plancher sont rapidement éradiquées. C'est un procédé simple qui ne coûte que quelques euros environ contre 15 euros le fumigène, sachant que selon votre surface, il vous en faudra plusieurs. Maintenant, vous le savez, les puces de parquet, l'été, sont une calamité, mais il existe des solutions pour les éradiquer. Merci Valérie, on vous retrouve dès demain sur France Bleu pour une nouvelle astuce à nous partager. Tout de suite, Christophe Maé, Amadou et Mariam, l'amour sur France Bleu. Ça fait rêver les gens, l'amour. Ça donne la vie, le tournis des petits gars qui courent. Ça fait lever les gens, l'amour. Ça fait rougir, ça fait mentir, ça fait du bien tout court. Ça fait pleurer les gens, l'amour. Ça fait sourire, ça fait gémir, ça fait du bien autour. Ça fait chanter les gens, l'amour. Ça fait parler, ça fait le vivre. France Bleu Limousin, le 16-19, le 16-19 été. Marvin Gaye, Sexual Healing sur France Bleu. Il est 18h43. Une des plus grandes brocantes vide-grenier de Creuse est de retour pour une nouvelle édition. Farge, sur la commune de Saint-Marc-à-Frangier, vous accueille le samedi 12 août. Plus de 200 exposants seront là pour vous proposer des objets de tout style, de toute époque. Toutes les journées, guinguettes, restauration et bonnes affaires. Dès 20h, soirée plein de chats. Le samedi 12 août, Farge, à 5 km de Buisson, fait sa brocante vide-grenier. Forcément un coup de cœur France Bleu Creuse. Le club des Lefto sur France Bleu. Au petit matin, un réveil souriant pour vous servir et vous informer. Salut les Leftos ! Thomas et Chéberi. Que vous soyez en vacances ou au boulot, quelle que soit votre raison de vous lever aussi tôt, France Bleu vous accompagne toujours. Toute l'actualité décryptée de manière sérieuse, mais pas trop, par la joyeuse bande du club des Leftos, bien évidemment. C'est très simple, c'est le meilleur des réveils matins. Le club des Leftos sur France Bleu, du lundi au vendredi, dès 5h. France Bleu Creuse, France Bleu Limousin, le 16-19, le 16-19 été. On n'arrête pas la musique sur France Bleu. Mika, Grace Kelly, tout de suite. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all the looks were too sad. I tried a little Freddy. I've got an entity. I could be brown, I could be blue, I could be violet, I could be red, I could be black, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you walk out the door? How can I help you? How can I help it? How can I help? So I tried a little Freddy. I've got an answer to me. France Bleu Limousin, le 16-19, le 16-19 été. Non.